Les obsèques d'Alphonse Daudet, 20 décembre 1897, par Émile Zola. Mes mains sont pleines de couronnes, et j'ai des fleurs sans nombre à déposer sur ce tombeau où va dormir Alphonse Daudet, l'ami tendrement aimé, le grand écrivain, le grand romancier que pleure la patrie française. Ces fleurs-ci, les premières, ce sont celles de tous ceux qui l'ont connu, approché, qui ont vécu dans son intimité fraternelle. Et il en est un qui vient de loin, de plus de 30 années d'amitié sans un nuage, sans une brouille. Il en est de moins lointaine, il en est de récente, car il est allé sans cesse en conquérant les cœurs. Le flot de ceux qui l'ont aimé n'a fait que grossir, d'un bout à l'autre de son existence, comme pour lui faire jusqu'ici un royal cortège. Ces autres fleurs, ce sont ces lecteurs innombrables qui m'ont chargé de les donner. La gerbe en est immense. Elle vient de l'admiration des hommes, de l'enthousiasme des adolescents dont l'intelligence s'ouvre à la vie, de la passion des femmes qui ont frissonné, qui ont pleuré sur tant de pages de pitié et de tendresse. Tout un peuple ravi est là, derrière moi, apportant son émotion, le remerciement de son âme élargie et enchantée. Et ces palmes, enfin, ces fleurs et ces verdures d'immortalité, ce sont ses pères, les écrivains, qui les envoient. Ce sont aussi tous ceux qui distribuent les récompenses en ce monde, les maîtres et les puissants, dont la charge est d'honorer la nation en rendant hommage aux grands hommes. Le talent, le génie n'a pas à être grandi, ni par les honneurs, ni par les académiciens. Le fêter même dans la mort n'est faire qu'une œuvre saine, pour la gloire du peuple, où il a brûlé comme un phare. Daudet a été ce qu'il y a de plus rare, de plus charmant, de plus immortel dans une littérature. Une originalité exquise et forte, le don même de la vie, de sentir et de rendre, avec une telle intensité personnelle que les moindres pages écrites par lui garderont la vibration de son âme jusqu'à la fin de notre langue. Et c'est pourquoi il a été un créateur d'êtres, parce qu'il leur donnait le souffle, parce qu'il en faisait des vivants, s'agitant dans une atmosphère vivante. Il existe par le monde des enfants de lui, de vrais enfants de chair et d'os, nés de sa toute-puissance littéraire, que nous coudoyons sur les trottoirs, que nous reconnaissons en les appelant par leur nom. Et il n'est pas pour un romancier de gloire plus grande, de triomphe plus éclatant et plus durable. Si j'ai été choisi pour rendre ici à Daudet un hommage que je voudrais absolu, définitif, dans un cri unique où je me donnerai tout entier, ce n'est pas seulement parce que je suis le compagnon, l'ami de tant d'années vécues côte à côte, c'est surtout parce que je suis un témoin, le dernier qui reste, celui qui peut dire ce que nous pensions de son œuvre, nous tous dont les œuvres ont grandi près de la sienne. Derivaux, ah oui, car nous n'avions pas tous les mêmes idées, nous n'avons jamais été enrégimentés, mais de bons frères d'armes pourtant, voyant clair, faisant à chacun de nous sa part légitime de gloire. Et Daudet a toujours été pour nous l'esprit le plus libre, le plus dégagé des formules, le plus honnête devant les faits. Je l'ai déjà dit ailleurs, il a été le réaliste respectueux de la vérité moyenne, qu'il se contentait de vivifier du flot intarissable de sa pitié et de son ironie, lorsque nous étions, nous autres, des lyriques plus ou moins déguisés, issus du romantisme. ce sera son éternel mérite, cet amour apitoyé des humbles. Ce rire moqueur poursuivant les sots et les méchants, tant de bonté et tant de juste satire qui trempe chacun de ses livres d'une humanité frémissante. Dire ici sa vie, est-ce que chacun ne la connaît pas? Parler de ses œuvres nombreuses, est-ce qu'elles ne sont pas dans toutes les mémoires? Il a écrit 20 chefs-d'œuvre. Il y a dans sa faute une plainte de l'inextinguible passion qui clamera l'amour aussi longtemps que le cantique des cantiques et que Manon Lescaut. Les pages du Nabab, de Numa Roumestan, des rois en exil, sont d'admirables tableaux, des créations intenses, désormais impérissables dans notre littérature. Certains de ces contes surtout resteront d'absolues merveilles, d'une délicatesse de bijoux, d'une solidité de métal précieux qui sûrement deviendront classiques au sens de parfaits modèles. Et il arrive ce fait, lorsque la tombe s'ouvre, c'est que l'admiration a beau avoir été grande pour l'écrivain vivant, on s'aperçoit qu'on ne l'a pas assez admiré. On sent le besoin d'exalter l'écrivain mort. La perte est si grande, le vide tout d'un coup si béant qu'aucun écrivain à naître ne semble devoir le combler. S'il me fallait assigner une place définitive à Daudet, je dirais qu'il a été au premier rang de la phalange sacrée qui a combattu le bon combat de la vérité dans cette seconde moitié du siècle. Ce sera la gloire de ce siècle d'avoir marché à la vérité par le labeur le plus colossal que jamais siècle ait accompli. Et Daudet a été avec nous tous parmi les plus braves et les plus hardis, car il ne faut pas s'y tromper, son œuvre dans son charme, dans sa douceur, est une de celles qui ont jeté le plus haut le cri de la pitié, le cri de la justice. Elle fait partie désormais de la vaste enquête continuée par notre génération. Elle restera comme un témoignage décisif, la suite solide et logique des documents sociaux que Stendhal et Balzac, que Flaubert et les Goncourt ont laissés. Et puisque j'ai nommé ces grands aînés, me permettez-vous, mon cher Léon, vous que j'ai vu presque au berceau, vous si jeune encore et déjà glorieux, me permettez-vous de rappeler un souvenir de votre petite enfance? Votre imagination passionnée s'éveillait déjà et... lorsque le grand Flaubert, le noble Goncourt de taille haute, d'allure conquérante, allait s'asseoir chez vous à l'amicale et si douce table de famille, vous le regardiez de vos yeux d'enfant extasié. Vous demandiez tout bas à votre père, « Ceux-là sont-ils des géants ?» Comme si des héros étaient débarqués là de quelque contrée lointaine et merveilleuse. Et c'était en effet des géants, de bons géants, ouvriers de vérité et de beauté, et ce sont ces géants que votre père est allé retrouver dans la tombe, aussi grands qu'eux, de même taille par la besogne accomplie, couchés dans la même fraternité, dans la même gloire. Nous étions quatre frères, trois sont partis déjà et je reste seul. C'est vous que j'embrasse, mon cher Léon, pour moi et pour ceux qui ne sont plus. C'est vous que je charge d'embrasser votre frère Lucien, votre sœur Edmée, de dire à votre admirable mère, la conseillère et l'inspiratrice, que ses larmes sont les nôtres, que toute cette immense foule accourue pleure ses larmes. Il y a ici que des cœurs serrés par l'angoisse. La patrie française a perdu une de ses gloires, et qu'il dorme donc enfin son bon sommeil d'immortalité, sous ses couronnes et sous les palmes, l'écrivain qui a tant travaillé, l'homme qui a tant souffert, mon frère de foi sacrée par le génie et par la douleur.